Ben voilà, moi j'ai fait ça pendant des années à me péter les doigts, je m'étais musclé le petit doigt avec ça, mais c'est plus facile quand t'es avec du 8, et puis accordé en mi bémol, parce que là on est un demi-ton dessus, mais tu t'accordes en mi bémol, tu es à 21e case, alors ça monte tout seul là. Mais t'as vu les paluches qu'il a? Ah, si, mais il a les grosses paluches, il a de la force, lui. Hein. Mais réfléchis sur tes 21e cases sur les trois cordes, hein. Sur le corde de si, quand t'es à la 21e, c'est le sol dièse. Et sur la corde de sol, quand t'es à la 21e case, c'est le mi. Le mi, le sol dièse. Ben, comme quand tu sais qu'il joue toujours en la mineur harmonique, en mi phrygien, tu utilises ces notes sans arrêt. C'est pour ça que tu vas monter là-haut, tu t'arrêtes à la 21e, tu es sur sol dièse ou tu es sur le mi ou alors si tu es sur la petite chanterelle, il faut bender pour avoir le mi. Mais sur la corde sol, hein, à 21e case, c'est un mi, hein. Ah, ça c'est sur la corde de sol. Alors là, t'as pas besoin de bender, là, donc tu peux faire du vibrato. Tu le vois souvent sur ces vidéos, toi, il monte dessus, il est sur la corde sol, il va faire un mi, parce que là, soit il est en la mineur harmonique ou en mi phrygien, donc il a besoin du mi. Il monte là-haut, puis il peut faire un vibrato. Hein. Là, t'as pas besoin de bender. Et le sol dièse à côté, quand t'es en la mineur harmonique, t'as besoin du sol dièse. La corde de si à la 21e, t'as le sol dièse. Et tu l'utilises tout le temps.